Alors, président Bandakani, le président Poutine, Vladimir Poutine, je cite, est présumé responsable de crimes de guerre, de déportation illégale de population, précisément les enfants, de transfert illégal également de population, on parle bien sûr des enfants des zones occupées d'Ukraine vers la Russie. Juste quelques heures que le communiqué a été rendu public, des interrogations fusent. Quel est votre regard, président Bandakani? Moi, je pense que vous faites une trop d'importance à un sujet qui, de mon point de vue, ne mérite pas de commentaire. Bon, mais puisque vous êtes des journalistes et que vous faites votre travail, bon, nous, nous sommes vos serviteurs, on se soumet à ce jeu. Parce que quand on parle de mandat d'arrêt international, la première question, c'est de savoir qui délivre le mandat. Quel homme serait dans ce monde accord du crédit à cette saleté que vous appelez ce pays? Ça existe encore ce truc-là? Je vous pose la question. Là, ce pays, ça existe encore? Ça sert à quoi ce machin? Même le dernier animal de la forêt crache sur la CPI. C'est quoi cette institution? La CPI, c'est quoi? Il n'y a qu'à l'Afrique où on parle de la CPI. Il n'y a qu'à l'Afrique où on parle de la CPI. La CPI, ça existe encore ce truc. C'est une institution totalement discréditée qui cherche à exister et qui fait de la communication. Mais si vous voulez qu'on parle de vous, décernez un mandat d'arrêt contre Poutine, vous récupérez l'actualité pendant 2 jours. Et ça, c'est de la communication. Vous croyez que les gens de la CPI, eux-mêmes, dans leur tête de malades mentaux, de salopards qui sont rêves, qui peuvent aller arrêter Poutine pour un mandat d'arrêt? Vous êtes sérieux? D'abord, vous a dit, est-ce que la Russie n'a pas ratifié ce truc-là? Aucune puissance dans le monde n'a ratifié ce machin. Preuve que même les puissances n'y accordent aucune importance. C'est créé pour les Africains, pour les nègres. C'est créé pour les nègres. Et les têtes d'information, ça peut animer la galerie en Afrique. Dans aucun endroit sérieux au monde, on peut commenter les histoires de la CPI. Une organisation qui n'existe plus, de fait. Elle n'existe plus. Deuxièmement, alors, crime de guerre, est-ce parce que deux malades occidentaux disent que la Russie a commis un crime de guerre, que ça devient vrai? Il y a des procédures pour valider, n'est-ce pas, un acte comme étant un crime de guerre. Il y a des procédures juridiques. Alors, il y a des procédures, n'est-ce pas, qui doivent être mises en œuvre pour valider un acte comme étant un acte de guerre dans le cadre d'un conflit. Alors, il se fait-il que M. Joe Biden, bon, qui n'a pas tous ses sens, Macron, von der Leyen, l'idiot du Canada, toute cette racaille-là, il suffit qu'ils s'asseyent et disent que tu as combien de crimes de guerre, pour que ça revienne tel. Les différents crimes de guerre qu'on a accusé la Russie dans le cadre de l'Ukraine, chaque fois qu'on a deux convois au Conseil de sécurité, qui a fui? Les différents supposés crimes-là qu'ils ont racontés, c'est-à-dire les gens vont faire des montages dans des chambres, ils font des films, n'est-ce pas, et ils diffusent, disent que bon, voilà un crime de guerre. Mais il faut qu'on soit sérieux. Alors, à chaque fois que Poutine a dit, OK, vous, le crime de guerre, venez, allons au Conseil de sécurité, allons donc devant le monde entier, assurons-nous, qui fuit? Les accusateurs ont tout fait de disparaître, Madame Capel. Donc, on parle de quoi? C'est-à-dire, on parle de quoi? Donc, à tout point de vue, c'est une belle blague, c'est une institution qui veut se rappeler au souvenir de l'humanité, et des Africains surtout, pour faire croire qu'elle joue un rôle. Donc, à un autre niveau, d'avoir des adieux aussi, on ne peut pas dire mieux que ça. Ils ont perdu la guerre. Mais dès le départ, ils ont décidé de faire la guerre sur le plateau. C'est-à-dire de faire la guerre d'opinion. Il faut continuer à entretenir dans l'opinion occidentale le mythe de l'invincibilité de l'Occident. Il faut continuer à faire croire aux populations européennes qui, les jours passants, découvrent qu'en fait, leur pays et leurs dirigeants sont non seulement des incompétents, des menteurs, que en fait, leurs dirigeants doivent passer à la guillotine. Parce qu'en plus seulement de la guerre, aujourd'hui, les vérités sur le coronavirus sont dans la rue, madame. Et tous les dirigeants là sont susceptibles d'être arrêtés pour crimes contre l'humanité. Ils sont des criminels, ils sont des tueurs. Depuis Joe Biden, en passant par le criminel français, en passant par M. Trudeau, tous ces gens-là, ce sont des criminels. Je ne peux pas citer la lame de l'Union européenne. Toutes les vérités sont d'horreur aujourd'hui par rapport au coronavirus. Et ces vérités indiquent quoi? Que ces gens se sont constitués en organisation criminelle et ont décidé d'assassiner des gens pour des raisons qu'eux seuls maîtrisent. Hein. Donc, ce fait aujourd'hui, c'est plein de débats. Les faits sont dehors. Je pense que vous êtes au courant des actualités au niveau du Congrès américain de nos jours. Donc vous voyez très bien que quoi de meilleur pour faire de la digestion? Ils essaient d'affaire, il a dit ça, ils sont désespérés, perdus. Bon, le poulet, tout est coupé, il s'agite, sachant que bon, il est déjà mort, parce que il faut être courageux pour oser mettre des blagues comme ça sur la table, alors que les vérités graves sur des questions de vrais crimes de guerre, en ce moment-là, de génocide, tentative de génocide vaccinal, des raisons sont sur la table. Alors, au lieu que la CPI fasse son véritable travail, si c'est une organisation digne de ce nom, elle masque son incompétence, son inexistence et son caractère absolument corrompu. Le meilleur bouc émissaire, Poutine, crime de guerre. Et du coup, les populations européennes vont commencer à regarder ça, au lieu de s'occuper des vérités liées au coronavirus, par exemple, à leur situation économique, par exemple, aux histoires qui se passent en France, etc. Donc, le débat, il est là. Donc, ce mandat d'arrêt est nul, non avenu. Personne ne prend ça au sérieux. C'était délivré par une organisation complètement discréditée. C'est-à-dire, personne dans le monde ne considère plus la CPI. Les panafricanistes ont détruit la CPI. Ça, personne ne peut le nier. Nous, on revendique ça. Nous, on a mis ce machin-là à terre complètement. Donc, ça n'existe plus. Ça participe de toute la campagne médiatique, n'est-ce pas, géomédiatique, qui est faite par les Occidentaux pour masquer leur échec militaire en Ukraine. C'est de cela qu'il s'agit. L'échec est total. C'est total. Donc, dans l'ensemble, moi, je finirai comme de la varice, exactement. Mais le poulet, la tête est coupée. Mais on reste tranquille, on attend. Quand il va s'agiter, il va mourir. On va le ramasser, on le découpe. On jette dans la marmite. Quand il est prêt, les vrais gens s'asseyent. On le mange. C'est ce qu'il est à faire par rapport à ce truc que vous avez appelé l'Occident. Afrique Média. Le monde, c'est nous.